quoi ce morceau là? Ça te rien dit? Thank you. fallait pas me caler, putain. C'était le bot, putain. Ouais, et puis là, il n'y a pas de séquenceur sur synthé. C'est quoi ce truc en fait?